Julien, oh, elle est le stade pour la réussite. Oh, elle est le stade de notre Paris, pour aller le stade de notre club, le stade.